La nuit est tombée sur la mer au sang chaud. Entre le chaos et l'hiver, j'ai tant de fous et de vipères sur la peau. Ouvrant le silence des rivières, j'ai vu la lagune et l'enfer au repos. Entre la falaise et l'hier, mon corps est tendu sur la pierre des sanglots, ouvrant les nuances des prières. Attendez-moi. Attendez